Êtes-vous prêt pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert! Bonjour et bienvenue dans le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la toute première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante. La semaine dernière, j'étais en congé, donc on a un petit peu de rattrapage à faire. On a beaucoup de nouveautés, surtout en francophone. On va entendre Martin Priorité, Mara Tremblay, Papaz, Jésus Belge 400 livres, The Lost Durfs et Pelep. Il va y avoir plein d'affaires du côté anglophone aussi. Mais on commence avec un petit bloc tout à fait spécial sur le nouvel album de Malajube qui sort le 10 février. Il s'appelle Labyrinthe. On va entendre pas mal de pièces de ça. On va se faire un double bloc. Double bloc, on aime ça. On commence par les deux pièces qui jouent déjà sur les ondes de C'est Fou. Si vous écoutez moyennement, vous avez peut-être entendu Ursuline et Portée disparue. C'est ce qu'on s'en va entendre. Et ensuite, on découvrira des pièces qui n'ont jamais joué, en tout cas, je crois, à C'est Fou. Et ça se passe maintenant dans le poste d'écoute de C'est Fou au 89.1 FM. C'est la radio campus de Trois-Rivières. Le poste d'écoute. La musique en vous tente de Malajub, c'était la pièce Luna. Avant ça, c'était Portée disparue. Et puis Ursuline a débuté le bloc. C'est un album que bien des gens attendaient depuis très longtemps. Moi-même, je m'inclus là-dedans. Ça faisait tellement longtemps que j'avais hâte d'entendre Labyrinthe de Malajub. C'est leur nouvel album qui sort le 10 février. Lisons un petit peu sur leur biographie, pourquoi pas. Au terme d'un répit bien mérité, après avoir consacré près d'une année à sa production, ce troisième opus sera disponible en magasin et en ligne le 10 février sur Dare to Care Records. Malajub s'apprête également à remonter sur scène pour le lancement de Labyrinthe le 17 février à La Tulipe à Montréal. Le groupe donnera ainsi le coup d'envoi à une tournée qui, d'ici la fin de 2009, le mènera aux quatre coins du monde. Il y a d'autres dates, là, Montréal, Québec, Sherbrooke, Drummondville, Dolbeau et Chicoutimi. Il ne passe pas par Trois-Rivières, malheureusement. Non, je regarde le reste de la liste. Laval, Toronto, Ottawa, Sorel-Tracy, Saint-Hyacinthe, Montréal, Saint-Jean-sur-Richelieu et Joliette. Ça fait beaucoup de villes, ça, pour oublier Trois-Rivières. Enfin bon, il y a d'autres dates à venir. Allez voir sur le malajub.com et bonsound.com. Je disais biographie sommaire. Donc, le groupe pop-rock Malajub a littéralement pris d'assaut la scène rock indépendante depuis la sortie de son tout premier opus, Le Compte Complet, et plus récemment avec son deuxième album Trompe-l'œil, qui réussit à se démarquer de la riche scène musicale montréalaise avec un son unique et original, dit le document de presse écrit par quelqu'un qui s'occupe du groupe. Depuis la sortie de Trompe-l'œil, Malajub a tourné sans relâche au Canada, en Europe, aux États-Unis et au Japon. Le groupe a pris part à des événements d'envergure internationale tels que le South by Southwest, le CMJ Music Marathon, Oceaga, les Eurockéennes et les Francopholies de Montréal, attirant l'attention tant des têtes fortes de l'industrie musicale que du public. Sorti aux États-Unis sur étiquette Dare to Care à l'automne 2006 et sur l'étiquette allemande City Slang au printemps 2007, pour le Royaume-Uni, l'Europe, le Japon et l'Australie, Trompe-l'œil a remporté la faveur des critiques du NME, du New York Times, de Pitchfork, Wired, The Fader et un paquet d'autres publications qu'on écrit dans une biographie pour avoir l'air très important. Mais dans leur cas, seul l'est, c'est vrai, ils sont importants. Bref, c'est Malajub avec leur nouvel album Labyrinthe qui sort le 10 février. Et comme je disais précédemment, on va faire un double bloc. On va entendre trois autres pièces du nouvel album de Malajub. On va écouter dans l'ordre Casablanca 333 et les Colamboles. Ça se passe dans votre Radio Campus à Trois-Rivières. C'est fou dans vos oreilles. poste d'écoute. Oh! C'est fou dans mon oreille. 89. Sur le net au cestfou.ca. C'est la deuxième partie du Méga Bloc sur Malajube et leur nouvel album Labyrinthe. On vient d'entendre les Colamboles, précédés de 333 et de Casablanca. Ce sont les pièces donc 4, 5 et 6 de l'album. Il y en a 4 autres que vous allez devoir écouter lorsque vous vous procurerez l'album le 10 février. Il s'appelle Labyrinthe. Malajube, c'est toujours aussi excellent. Celui-là, je trouve qu'il est un petit peu plus space que leurs deux autres albums. Les autres avaient des mélodies extrêmement accrocheuses sur pas mal toutes les pièces. Celui-là, il me semble que, à un moment donné, tu l'écoutes 5-6 fois comme j'ai fait à date. Il était pas encore sûr de certaines pièces, puis il se passe pas grand-chose, mais en même temps, c'est tellement enveloppant. C'est génial. C'est mon groupe préféré, groupe fétiche. C'est la même chose pour bien des gens, j'en suis sûr. Bref, Malajube, Labyrinthe, 10 février, malajube.com, myspace.com, /malajube. Tout est là. Donc c'est la fin de notre méga bloc, double bloc, appelez ça comme vous voulez. C'est terminé, plus de malajube pour cette semaine, c'est promis. On a passé une bonne 35 minutes là-dessus. Ça te bouffe une émission, mais ça vaut tellement la peine. On passe du côté anglophone pour aller entendre ici dans le poste d'écoute où on découvre toutes les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble, la formation des Illzoists. Leur album s'appelle L'île de sept villes. On va entendre justement la pièce presque titre The Island of Seven Cities. Mais avant ça, il va y avoir Brother Lakes et on débute avec The Possibility of an Island. Ça se passe tout de suite. Et en passant, allez voir le www.unechance.com pour tous les liens de tous les artistes que vous entendez aujourd'hui pour télécharger la balado-diffusion en MP3 chaque semaine. www.unechance.com. La formation The Illusoists avec l'album L'île de cette ville et la pièce The Island of Seven Cities, entre parenthèses FSR, précédée de Brador Lakes et de The Possibility of an Island, des noms compliqués comme ça. Illusoists, c'est du, ils se disent, classique émotronique. Ils viennent de Toronto, en Ontario. J'ai bien aimé, c'est très instrumental, j'adore ça. Paul Aucoin est au vibraphone, au glockenspiel et à la batterie. François Turenne à la guitare, Christopher Sandes au piano et à l'orgue, Jay Anderson à la batterie, Randy Lee au violon et Paul Lohman à la basse. Leur site web, c'est theillusoist.com ou encore myspace.com/illusoist. Passez donc par le site de l'émission www.unechance.com pour en savoir un petit peu plus la musique instrumentale des Illusoists. On retourne du côté francophone pour terminer la première heure déjà du poste d'écoute. Oui, seulement 3 albums en une heure. Il fallait passer du temps avec Malajube, je m'excuse. Donc, Jésus Bench 400 livres qui nous a envoyé son maxi avec plein de belles pièces. Des pièces qu'on connaît quand même assez ici à Sifu parce qu'on les passe dans les palmarès. D'ailleurs, la pièce L'Index remixée par Bio Bazar est présentement dans le palmarès francophone de Sifu. Donc, on va passer à la deuxième pour aller entendre tout de suite Danser, Madame, Danser. C'est dans le poste d'écoute où on découvre les nouveautés musicales pour la première fois tous ensemble à C'est Fou 89.1 FM. Musicienne. Dansez, madame, dansez. le tour. Pleure et cours partout. Mort s'il le faut, c'est pas ta faute. C'est ça qui est beau. C'est pas ta faute. C'est ça qui est beau. C'est pas ta faute. Des yeux et des dents aux intentions chimiques, un sourire aussi franc qu'une promesse mécanique. Et tu pleures, pleures, pleures, pleures beaucoup, pleures beaucoup. Dis-moi, j'espère que tu pleures beaucoup, pas pour mal faire, tu me donnes le goût. Avec tes yeux et tes dents, promesse mécanique. Jésus Belge 400 livres et les yeux fixés, c'est la troisième pièce de leur maxi qu'on a reçu assez fou très récemment. Jésus Belge 400 livres est au myspace.com/JésusBelge400 en chiffres, livres, en lettres au complet. Ils viennent de Trois-Rivières, c'est un groupe local d'indie électropop. Et là, quand on parle d'indie électropop, ça veut dire bien des choses. Ça veut dire aussi Anthony Howey, Vincent Jolivet, Frédéric Kélévac-Saint-Don, Danny Janvier et Nicolas Dafonseca. Cinq personnes qui tournent autour de C'est fou depuis très longtemps, des étudiants de l'université ou anciens étudiants, des gens qui travaillent à C'est fou, plein d'affaires comme ça. Donc Jésus Belge 400 livres, groupe local à recommander. Hein, écoutez-les et écoutez-les encore à la fin de cette première heure parce qu'on va jouer la pièce Les Doigts. Suivons pour les auditeurs des rediffusions du samedi et du mercredi, au moins les pièces Oreo et Ananas. La pièce L'Index remixée par Biobazar est sur le palmarès francophone de C'est fou en ce moment même. On se retrouve pour une deuxième et une troisième heure plus tard. Restez avec nous dans le poste d'écoute au 89 FM. C'est fou! Ha! tout ce qu'on peut faire, aussi subtil que ce soit. Creuser un trou dans ta chair que je fais avec les doigts. Tout ce bruit, tout ce tintamarre, tu te demandes ce que je fais. Quand tu comprends, il est trop tard, le mal est déjà fait. Je me répète, et tu aimes ça. Tu te répètes, je ne comprends pas. Mais pourquoi elle se répète, mais pourquoi elle se répète. Je dis que c'est parce que t'es un peu folle et que tu aimes lorsqu'on bâtit folle, que je menace, que je te tue. Je ne suis pas sûr de comprendre et je sens monter en moi un grand frisson de délivrance que tu crées avec les doigts. La la. Dessus. À chaque fois que j'essaie d'être ton ami, t'es malade, t'en peux plus. Il faut soigner ta boulimie, l'espoir c'est le vin qui tue. Et toi et moi c'est pour la vie. Toi et moi c'est pour la vie. Oreo, sur ta tête je vois un Oreo. Oreo, tout étincelant, un Oreo. Oreo, divin c'est en un Oreo. Chaque fois que je te prends, tu te laisses pas faire et j'en souffre. La folie et les dents pénètrent ma chair et j'étouffe. La nuit tombe et j'entends une belle mélodie ronde et douce. Une belle mélodie ronde et douce. Oreo, sur ta tête je vois un Oreo. Oreo, tout étincelant, un Oreo. Oreo, divin s'étend, un Oreo. Résigne et t'as laissé derrière, en plus j'ai des allergies. Va voir ton propriétaire, on n'a pas d'histoire et c'est fini. Et toi et moi c'est pour la vie. Toi et moi c'est pour la vie. Oreo, sur ta tête je vois un Oreo. Oreo, tout étincelant, un Oreo. Oreo, divin s'étend, un Oreo. Divin s'étend. Sur ta tête, je vois un Oreo. Elle sort du micro-ondes. Mes deux pantoufles bouillantes, une pile de couverture minante. Il pleut des plures piquantes. Bonjour, c'est la deuxième heure du Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Je m'appelle Mathieu Plante, donc il nous reste 2 heures de belle musique à entendre, à découvrir, à déballer pour la toute première fois parce que je n'ai jamais rien entendu de tout ça. Détrompez-vous. D'ailleurs, cette semaine, on est écouté en direct de la capitale du Sénégal. On appelle ça Dakar via Internet. c'est pas merveilleux la technologie. Donc, je remercie et je salue la très jolie, excellente et sympathique Fatimatou. Bonjour. Oui, Sénégal, wow, international, le poste d'écoute. Donc, on retourne du côté francophone pour aller entendre Marat Tremblay. Son nouvel album s'appelle « Tu m'intimides ». On a reçu ça très récemment et là, on va l'entendre son nouveau style musical apparemment avec la pièce « Toutes les chances ». Et ça débute maintenant dans le poste d'écoute de C'est fou au 89.1 FM. De m'envoler un peu vers un espace-temps où on est si heureux et où l'amour peut enfin vivre pour de vrai. Je passe tout mon temps à penser à toi, beaucoup trop de temps pour beaucoup trop y croire. J'ai toutes les chances d'échapper mon cœur. J'aime quand tu des chemins sur mon dos, que tu suis en silence du bout de tes doigts. Et quand ça recommence, et puis tes yeux, et puis ton cœur, on est si loin déjà. You. vie où tous les rêves sont avec toi. Je l'ai vu, je l'ai senti, les garde sur mon cœur encore. C'est fou dans vos oreilles, oreilles. I called you last night in the hotel. Mara Tremblay sous les projectiles. Avant ça, c'était Tu n'es pas libre et on a débuté avec Toutes les chances. Ce sont les trois premières pièces de son nouvel album qui se nomme Tu m'intimides, Mara Tremblay. Lisons un petit peu sur son document de presse là, envoyé par l'étiquette, comme toujours, avec des affaires bien intéressantes. Et citation, on commence par une citation de Mara Tremblay. Avec chacun de mes albums, j'ai voulu explorer un territoire complètement nouveau. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec Tu m'intimides, un quatrième disque étonnant, aérien, sans concession. Mara applique sa devise comme jamais. La voilà donc en terre et vierge, de pures envolées mélodiques, s'enlaçant tantôt à un rock aux accents 70s, tantôt à des envies méditatives. Partout, la voix de Mara Tremblay apparaît libre comme l'air, celle d'une femme qui a le cœur et les yeux grands ouverts sur la vie. Bref, Tu m'intimides, la rencontre de l'énergie brute et de la finesse, ça arrête plus ça, hein? Ça arrête plus? Moi, j'arrête par contre. Maratremblay.com et son site web myspace.com/Mara Tremblay. Là-dessus, il y a des pièces de l'album à découvrir. C'est donc, en tout cas, découvrir pour ceux qui aiment ça. Moi, c'est moi mon genre. Mara Tremblay, tu m'intimides. Pas fine, tu m'intimides. Comment oses-tu? On continue du côté anglophone avec la formation Anthony. Là, c'est comme Anthony, mais sans le H. Anthony and the Johnsons. L'album s'appelle The Crying Light. Tout de suite, voici Her Eyes Are Underneath the Ground. Dans le poste d'écoute, on découvre les nouveautés musicales pour la première fois, tous ensemble. Ah, c'est fou. C'est comme prendre une pelle et creuser underneath the ground. C'est un peu ce qu'on fait. Are underneath the ground. I have heard the crying sound. No one can stop you now. No one can stop you now. Her eyes are basking in the sun. No one knows why she did the things she's done. Oh, shame, swallow me now. Oh, shame, swallow me now. In the garden with my mother I stole a flower. With my mother and in her power I stole a flower. I saw six eyes glistening in my womb. I felt you calling to me in the gloom. Rest assured, your love is pure. Rest assured, your love is pure. In the garden with my mother I stole a flower. With my mother in her power I chose a flower. Poste d'écoute. Epilepsy is dancing, she's a Christ now departing, and I'm finding my rhythm as I twist in the snow. Oh, the metal burned in me, down the brain of my river, where the fire was searching for a waterway home. I cry, glitter is love, my eyes pinned inside with green jewels, hanging like Christmas stars from a golden veil. As I came to a screaming, hold me while I'm dreaming, for my fingers are curling and I cannot breathe. Then I cried in the kitchen, how I seen your ghost switching, there's a soldering blue line between my eyes. Cut me in quadrants, cut me in quadrants, leave me in the corner, cut me in quadrants, leave me in the corner, cut me in quadrants, leave me in the corner. Ooh, now it's passing. On dirait une fille un petit peu butch qui pleure tout le long. Pas sûr. Comme Tracy Chapman. Bref. Anthony and the Johnsons. Leur album s'appelle The Crying Light. C'était différent. Si vous aimez ça, tant mieux. J'espère que la presse adore ça. Là. La presse, le journal. Là. Et puis, sur Internet, ça pogne beaucoup parce qu'il y a plein de dates de spectacle là, vraiment partout dans le monde. Il fait une tournée pas mal mondiale, ce Anthony. Bref, dans le groupe, Julia Kent, Maxime Mostyn, Jeff Langston et un paquet d'autres gens. Donc, c'est Anthony, pas de H, and the Johnsons, avec un H, et The Crying Light. On retourne du côté francophone à quelque chose, en tout cas, qui devrait être pas si mauvais que ça, parce que Derf a déjà été sur notre palmarès, ici, assez fou. Et ça, c'est des pièces perdues, ou en tout cas, retrouvées, supposément, des Derfs. Ça s'appelle The Lost Derfs. Mm-hmm. Eux, là, ils ont fait, jusqu'à maintenant, je crois, 10 albums. Et chacun est, bon, le temps de quelque chose. Le temps des nus, le summer temps, le temps des merveilles, le temps des démons. Et puis, chacune des pièces, les 7 qui viennent de cet album-là, viennent de différents albums qu'ils ont fait. Parce que je comprends, c'est des pièces perdues, inédites. Ou en tout cas, comme ils disent dans leur livret, des pièces indédites, indébites. Je sais pas ce que ça veut dire. Ce disque est protégé par la loi de la Providence. Soyez généreux et copiez. Et les titres sont tous disponibles gratuitement sur Internet. C'est derf00.com. On va entendre une pièce qui vient de l'album Derf00. Elle est inédite. Voici Pousse, Pousse, Pousse. Et on pousse ça dans le lecteur. Au 89.1 FM, c'est fou ça! Qui raconte des blagues en lisant le journal. Et bien que d'apparence assez loin d'exemplaire, il n'épargne personne de ses commentaires. Voilé sous le couvert de traits humoristiques, se cache des ulcères de l'angoisse chronique. Oh, Job est un homme sans travail qui boucle les mois en vendant au détail de beaux petits sachets ou bien des comprimés contenant les dégâts de la pharmacopée. Mais certains soirées se demandent à quoi ça rime, et certains soirs on le voit seul au fond du team. Alors, pousse, pousse, pousse, de la pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pousse, pous qui soigne son corps et chérit ses enfants. Personne ne connaît l'étendue de son drame, ni les pensées qui rongent son petit cœur de femme. Son homme a pris la poudre d'escampette avec une gamine de 10 ans, sa canette. Oh, Anne voudrait le faire payer, mais il est incapable de toute méchanceté. Il est sans le sou et n'a rien à son nom. Il ne mérite pas même pas la prison. Mais cet espoir, elle se demande à quoi ça rime. Et cet espoir, on la voit seule au fond du gîte. Alors elle pose, pose, pose de la poudre, pose, pose, il est là-haut. Alors elle pose, pose, pose de la poudre, pose, pose, il est là-haut. Un chanteur populaire qui, au dire de plusieurs, a vraiment tout pour plaire. Derrière ma façade de stoïque blélâtre, je suis aussi solide qu'une statue de plâtre. Quand la nuit tombe et que mon esprit vagabonde, j'ai tenté si souvent peur de la fin du monde. Oh, je suis un chanteur populaire et je fais ce que je veux de ne pas être amer. Lorsqu'il me faut passer par-dessus mes principes, pour te couper, je joue mes bébés déontrives. Et cette fois, je me demande à quoi ça rime. Et cette fois, on me voit seul. On a tous le cœur un altar, et sur les ailes pour le poids de l'univers, qu'on a dit à fournir constamment un effort pour ne pas devenir notre poids de mort. Se demande à quoi ça rime. Et cette raison on est moi seul au fond du gym. Alors on pose, pose, pose de la poudre. Faut oublier la honte. Alors on pose, pose, pose de la poudre. Faut oublier la honte. Alors on pose, pose, pose de la poudre. Faut oublier la honte. Alors on pose, pose, pose de la poudre. Faut oublier la honte. Bon, ben des fois, tu sais, on nous dit, ah, c'est fou, vous manquez de points de repère. Tu sais, on aime ça entendre des tunes qui jouent dans d'autres radios des fois pour pouvoir après ça rester à l'écoute pour les autres pièces. Qui après, on vient de jouer le numéro 1 d'énergie depuis toujours, tu sais. Voilà. Version refaite par Derf. Et là, leur album est supposé être The Lost Derfs. On s'imagine que c'est peut-être genre des remakes de pièces connues qui passent inaperçues comme étant des pièces Lost. Bref, c'est pas Lost du tout. C'est Jonathan Pinchot. On continue avec une autre pièce de Derf. Voici donc dans quelques instants La fin de l'homme qui vient de leur Derf. Dis le temps les démos dans le poste d'écoute. Le poste d'écoute. Dans ses valises. c'est excellent, ça. C'est très, très, très drôle. Je vais avoir l'air d'un imbécile, mais moi, en lisant The Lost Dirge, j'avais compris, tu sais, les pièces perdues, oubliées. Non, c'est juste The Lost Fingers, tu sais, mais par The Lost Dirge, c'est des pièces de d'autres mondes. Deux. C'est quand même, tu sais, vraiment évident. Bref, on a commencé par Pouce, Pouce, Pouce de Jonathan Pinchot. Mm-hmm. Ensuite, il y a eu La fin de l'homme de Daniel Bélanger. Et ça, c'était Tombé à l'eau de Annie Villeneuve, refait par la formation DURF. Sinon, sur l'album qui en comporte 7 pièces, il y a aussi Joe Dassin, Marie-Chantal Toupin, Peg Yarrow et Ride Set Fred, qui maintenant s'appelle Ride Set DURF. Je trouve ça génial comme concept, c'est super bon. Les pièces reprises, ça a l'air bon quand tu les écoutes, tu sais, par DURF. Bref. Allez voir DURF, DERF00.com pour télécharger tous leurs albums. Il y en a 10. Et puis là, ben, je sais pas si c'est le 11e ou le 10e, mais bref. The Lost DURFs, et non de leur maxi ou album le plus récent. Mais là, on reste du côté francophone et il n'y aura pas d'Annie Villeneuve là-dedans. C'est pas mal garanti, je sais pas. J'ai pas écouté l'album. C'est le poste d'écoute, on les écoute pas d'avance. C'est peut-être super mauvais. Bref, c'est Martin Priorité et son album Nos Sentiments, ou leur album. Non, ouais, c'est ça, parce qu'il y a Martin Poirier au Parallèle Musique. Sauf pour le micro-ondes qui avec Pierre-Luc Lavoie. Enfin bon. Laurence Lépine et Maxime Carpentier sont aussi là-dessus. On va entendre les trois premières pièces dans l'ordre comme toujours. 33 centilitres au CL sur sa table. Et la troisième pièce, Sandra avant ça. Et tout de suite, voici les gars sur la piste de danse dans le poste d'écoute au 89.1 FM. C'est fou! Et on sait vraiment pas ce qui s'en vient. Aucune. No way. Marie-Chantal Toupin. Ah, le sens qui s'entraîne et le cœur qui se déchaîne. Les muscles endoloris, oh, et ça fit, tu as trop dormi. Mais c'est l'heure, ah oui, c'est l'heure, et tu prêtes pour le bonheur. Ils ont tombé des gars sur la piste de danse. Ils ont tombé des gars sur la piste de danse. Ils ont tombé des gars sur la piste de danse. De fou, des courants électriques et des regards psychédéliques. Les gens se meurent, mais s'épanouissent comme des fleurs. Et nous les enflammons, oui, nous les enflammons. Et on crie, Johnny monte le sang. Les entournés des gars sur la piste de danse. Les entournés des gars sur la piste de danse. Les entournés des gars sur la piste de danse. Yeah. Woo! Le poste d'écoute. Le samedi soir, lorsqu'il est très tard, et que moi je veux sortir du bar, je me laisse choir sur le plancher d'ivoire, et j'essaie de ne pas me briser la mâchoire. Les escaliers me disent que je suis trop pété pour pouvoir les descendre sur un pied. Je voulais avancer. En bas, il fait noir. Tout à coup, le portier. Mon alcoolémie n'est pas une pandémie que je me dois d'en convaincre tous les taxis. Je tourne un peu en rond à la recherche du bon. J'arrête tout à coup, je me sentais ben trop con. La fille à côté de moi s'appelle peut-être Sandra, mais de toute façon, je ne m'en rappellerai pas. Je lui dis qu'elle est belle. Autour de moi, il y avait de la tapisserie rose partout. Il y avait un chat qui me regardait des yeux en me disant, va te sauter dans la face. Il y avait un parfait qui tournait autour de moi en criant. J'en pouvais plus, j'ai pogné le cadran, puis j'ai lancé dans la fleur. Doucement, j'ai repris mon souffle. J'ai respiré tranquillement. J'ai relaxé, je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas rien que moi dans cette pièce-là. Derrière mon oreille droite, il y avait une respiration lente, et monotone. Ça se rapprochait doucement. Jusqu'à temps que je chante son haleine. Son haleine putride dans mon... À deux mains, je me suis reviré de bord et... C'était ma cousine! J'ai osé demander. Est-ce qu'on a? C'est là que je me suis levé, j'ai eu besoin de me laver. J'ai décidé d'amener déjeuner. D'un coup j'ai eu peur, comme me voir avec cette horreur que l'alcool m'avait tendu comme un leurre. Du gars, le gars qui est content, et c'est qui va passer du bon temps. Le gars, que besoin de se saouler pour pouvoir causer. Est-ce que c'est voulu que ça sorte? J'en ai aucune idée. Aucune. C'est fou. Dans vos oreilles. Mmh. effervescente. Tu me regardes de loin venir pour te séduire. De ton corps de silence, un premier baiser qui enrobe mes lèvres. Une arôme de joie circule alors dans mes veines. Je sens mon désarroi, une euphorie de présence. Je plane goulûment sur une note de verre, un récipient d'air qui n'a rien en vue à la mer. Comme dans un rêve, lorsque je rouvre les yeux, c'est de plus en plus près de moi. Je te repousse pour mieux te prendre. Martin Priorité et 33 centilitres sur la table, précédé de Sandra et de Les Gars sur la piste de danse avec leur album Nos Sentiments. Là-dedans, il y a Martin Poirier, Pierre-Luc Lavoie, Laurence Lépine et Maxime Carpentier. Allez voir Martin Priorité sans l'accent évidemment.net ou encore myspace.com/Martin Priorité. Venant des quatre coins du Québec, la formation Martin Priorité s'attaque à la scène montréalaise pour pouvoir s'accaparer les armes nécessaires à la conquête du reste du Québec pour ensuite prendre possession du monde. En ayant un style original bien à eux, ils ont réussi à se définir comme une formation de rock psychiatrique, disent-ils. Bien éclaté sur une scène, la formation Martin Priorité forme un tout complètement cinglé qui vous feront vivre des expériences expériences dignes des bacchanales de la Rome antique. OK, cinglé, pas de faute, mais bon. Groupe de Montréal, Martin Priorité, c'est du rock. Et on va se quitter avec... En fait, on va se quitter avec un autre album, oui. Et là, on va devoir passer rapidement dessus, malheureusement, pour l'émission du vendredi. Mais c'est la formation Acres of Lions avec leur album Working. Nous, le vendredi, on va entendre la pièce Entertainment. Et les auditeurs des rediffusions du samedi et du mercredi recevront, comme toujours, 20 minutes de contenu additionnel dans l'émission. Et il va y avoir les pièces Let's Get Sentimental et Coronado's Dead. Allez voir le unechance.com pour tous les liens d'émission d'aujourd'hui et télécharger la balade de diffusion tant qu'à y être. On se retrouve pour une troisième heure. Restez avec nous. Yeah!

Bonjour, c'est la troisième heure du Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Je m'appelle toujours Mathieu Plante, c'est toujours le cas. À la fin de la deuxième heure, on s'est quitté avec la formation Acres of Lions, qui était, ma foi, plutôt bonne, en tout cas, moi, ce que j'ai entendu. Entertainment, Let's Get Sentimental et Coronado's Dead. C'était les trois pièces qu'on a entendues. Les membres sont Jeffrey Kay, Dan Ball et Tyson Yerrick. J'ai aussi Lewis Carter à la batterie. Ils sont en grosse tournée en ce moment. Ils vont être à Montréal le 6 mars à 21h au Gymnase. Une formation de rock pop indie de Victoria en Colombie-Britannique. Allez voir myspace.com/Acres of Lions ou encore acresoflions.com. Sinon, passez par le site de l'émission, comme toujours, au www.unechance.com. Là-dessus, il y a tous les liens d'émission de chaque semaine et le MP3 à télécharger aussi en balado-diffusion. Cette troisième heure va être en grosse partie francophone. Tantôt, on est en train d'entendre Pélep présente Jamming Session. Aussi avoir Papaz en rap. Mais on commence avec un simple. Oui, un simple, une seule pièce unique de la formation Cut Off Your Hands. Leur pièce s'appelle Still Fond, version française. La voici tout de suite dans le poste d'écoute au 89 FM. C'est fou dans vos oreilles. Et dans vos oreilles. Ça, c'est bon, ça! Cut Off Your Hands avec Still Fun, version française. C'est la seule et unique pièce qu'on a reçue de la part de la formation Cut Off Your Hands. Pour l'instant, j'aimerais ça en avoir d'autres. C'est dommage quand ça arrive. C'est du power pop, punk, pop, pop, pop, pom, pom. Hein? C'est la définition de power pop, punk, pop, fight, pop de Nouvelle-Zélande. Tu sais, les gens, dans un groupe, ils se trouvent des styles musicaux particuliers hein, pour avoir l'air original. Bref. Tournée mondiale en ce moment, ils sont partout. Là. C'est un groupe qui vient de Nouvelle-Zélande. Ils sont à Vancouver, à, sinon à Salt Lake City. Hein? C'est très, très mondial, ce Salt Lake City. Je me fais rire. Enfin bon, c'est pas mal plus une tournée des États-Unis en plus de quelques autres endroits en Europe. Voilà. Donc, myspace.com/cut off your hands. Sinon, allez voir lunchance.com pour le lien. C'est beaucoup plus simple que de les play à la radio. Ça, j'ai bien aimé Cut Off Your Hands. Maintenant, on passe à quelque chose que je vais peut-être moins aimer parce que c'est du rap, mais j'en fais jouer parce que c'est en français, puis je donne la priorité au groupe francophone Papaz et le nom de la formation. Leur site web est au bigpaz.com. On va commencer la tournée de leur petit album Papaz 3 avec l'intro Ça fait longtemps. Suivra la pièce Gone Tomorrow dans le poste d'écoute au 89 FM. Eh ouais, c'est fou. Ça, on va pas se le cacher. C'est fou. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu le son de ta douce voix. Puis pourquoi qu'il faut que je m'éloigne pour comprendre que j'ai besoin de toi? Déconne pas, résonne-moi, fais-moi sentir que t'es là. Douce demoiselle au tempo émotionnel, quoi. On s'est tout dit depuis le début. Depuis le temps, l'histoire s'écrit, 10 ans s'écoule jusqu'aujourd'hui. Oui, c'est tellement, tellement long puis tellement vite. C'est quoi qui nous a amené là? Sérieux, je pensais que c'était juste un kick. Je crois encore, on sait jamais, la vie est chienne quand t'as s'y met. Je l'ai dit dans Soif de vie, j'ai même starté l'album avec, yeah. Mais là je m'ennuie de toi, je t'ai retrouvé dans un tiroir. J'avais besoin de me retrouver, pis toi t'es comme mon miroir. Y'a le big pis y'a le paz, mais là le paz est fatigué à cause du big. Parce que le big se l'est joué trop big. Mais inquiète-toi pas, les deux sont là sur le sang, prêts à se faire pardonner pour une attente trop longue. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, babe. Longtemps qu'on s'est pas checké, j'toi pis moi pour se parler. Ça fait longtemps, tellement longtemps que j'me suis tanné. Viens me voir, j'suis le même gars, même après toutes ces années. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, babe. Longtemps qu'on s'est pas checké, j'toi pis moi pour se parler. Ça fait longtemps, tellement longtemps que j'me suis tanné. Viens me voir, j'suis le même gars, même après toutes ces années. Genre qu'on commence à surfer tranquillement, c'est ce qui manque, pis franchement, c'est pour ça que le beat est si lent. C'est comme un first date, un peu comme dans le temps. Je te connais pas, tu me connais pas, parle-moi de toi, j'ai tout mon temps. T'as tellement changé, mais t'inquiète, je vais m'arranger. Je t'ai laissé tomber une fois, pis rattraper juste avant le plancher. Fallait que je vive des choses, fallait que je répare les pots cassés, fallait que je prenne une pause. Yeah. J'ai perdu trop de friends qui sont partis sans rien dire. Je te ferais pas la même chose, t'ignorer c'est mentir. C'est toi qui fais que mon chest fait boum boum, qui fait que mon cahier drime s'ouvre d'un sad move quand je viens de faire un bad move. Pis là je suis back, la tête passe, je veux que tu me pardonnes le bad move de te laisser. Shit, j'ai vu ce que ça me donne. Sans toi je pas moi, ça fait longtemps que j'aurais dû le comprendre. À partir d'aujourd'hui je te jure que c'est sur toi que je me concentre. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, babe. Longtemps qu'on s'est pas checké, je toi pis moi pour se parler. Ça fait longtemps, tellement longtemps que je me suis tanné. Viens me voir, je suis le même gars, même après toutes ces années. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, babe. Longtemps qu'on s'est pas checké, je toi pis moi pour se parler. Ça fait longtemps, tellement longtemps que je me suis tanné. Viens me voir, je suis le même gars, même après toutes ces années. La tête dans le sang pendant des mois, je voulais rien entendre. Il était plus question de rap, plus question de passe, c'était plus dans mes plans. 6 mois plus tard, je l'ai reçu v'lant d'un temps. Je voulais pas retourner tes appels, mais aujourd'hui, je te reviens en rampant. Damn. T'as vu la force que t'as, c'est toi qui me contrôle. T'as le beau rôle, toujours derrière mon épaule. Pour me faire sourire quand je viens d'écrire un refrain catchy. Pour me raisonner quand j'ai le goût de faire des moves comme Scratchy. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, babe. Longtemps qu'on s'est pas checké, j'toi pis moi pour se parler. Ça fait longtemps, tellement longtemps que je me suis tanné. Viens me voir, j'suis le même gars, même après toutes ces années. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, babe. Longtemps qu'on s'est pas checké, j'toi pis moi pour se parler. Ça fait longtemps, tellement longtemps que je me suis tanné. Viens me voir, j'suis le même gars, même après toutes ces années. Le poste d'écoute. Yeah boy, woo! C'est du big pass. Gone tomorrow, Curry B, bring it loud, woo! Bring it loud. Gone tomorrow. Hello people, laissez-moi m'introduire. Big pass, c'est moi, je ride, dans mon permis de conduire. Voici les consignes avant le départ. Dans mon ride, tout est permis, c'est un nouveau sport. Right, get it, get it, boy. En plus de la beer, amène des points. On est des chaînes et on y est pas. On veut des pioches, pas des gars. Big pocket pour du big stacking. Bring la cash, on va le prendre pour l'étiquette de parking. Chuck Taylor, j'te dis thanks pour tout. Une heure de marche ou prendre le bas, j'vais prendre tes shoes. Ma qui se casquette, j'la porte, don't give. On the side pour le star, c'est comme ça que j'le feel. Dear mama, don't price the new generation. Si j'porte pas la cravate, prends le pas comme un insulte. garde ça cool, passe, pas de stress. Fuck le beef, j'aime pas ça, c'est comme une femme, pas de fesses. On veut du, on veut du, on veut du. What, what? On veut du monde qui file la vibe, je l'ai dit plein de fois. On veut du, on veut du, on veut du. What, what? On veut du succès, rien d'autre que du succès. T'as beau espérer plein de choses, t'as beau rocker plein de hoes. Une chose est sûre, tu pourrais être gone tomorrow. T'as beau pouvoir être plein d'eau, proprio d'un McDo. Mais une chose est sûre, tu pourrais être gone tomorrow. J'sais pas si talk trash tant que le beat m'emporte. J'pourrais être gone tomorrow d'un coup de 12 dans ma. Je sais que j'parle trop, mais doute, j'ai ce que j'faut. Amène le mic, puis j'te rip une main dans le dos. J'ai rien à faire, j'suis toujours le jour comme des old days. Y'a pas de chilling, pas de feeling, sauf faut que tu décompresses. J'défonce les portes, j'arrache même les pentures. Big Bass, let's go, c'est une nouvelle aventure. C'est pas prêt que j'fais fondre les pôles. J'l'ai dit y'a pas longtemps, devil's got my soul. Don't give, really, really don't give. De toute façon, j'pourrais être gone tomorrow. Bring it. Bring it, bring it, bring it, gone tomorrow. Bring it, bring it, bring it, bring it, gone tomorrow. On veut du, on veut du, on veut du. What, what? On veut du monde qui file la vibe, je l'ai dit plein de fois. On veut du, on veut du, on veut du. What, what? On veut du succès, rien d'autre que du succès. T'as beau espérer plein de choses, t'as beau rocker plein de hoes. Une chose est sûre, tu pourrais être gone tomorrow. T'as beau pouvoir être plein d'eau, proprio de McDo. Mais une chose est sûre, tu pourrais être gone tomorrow. Ben c'est ultra cliché ça. Hein? C'est dans exactement ce à quoi je m'attendais. Bref, on vient d'entendre la formation Papaz et la pièce Gone Tomorrow. Précédé de l'introduction, ça fait longtemps. On parlera pas tellement de ça plus longtemps, là, mais bon, bigpaz.com est l'adresse si ça vous intéresse. C'est du rap. Si vous aimez ça, c'est parfait. Parfait. Prenez pas ce que je dis pour de la dénigration de musique. C'est juste pas pour moi. Pelep et les prochains groupes vont s'en entendre du côté francophone. Et Pelep présente Jamming Session. Ça fait toujours plus hot quand tu l'appelles en anglais. On va entendre trois pièces. Peut-être même quatre parce que l'intro est tellement court qu'elle compte pas vraiment pour une pièce. Donc il va y avoir Jamming juste après l'intro et ensuite ce sera Mon cœur sur Banise. Et pour le love, dans le poste d'écoute, on découvre toutes les nouveautés musicales, ou quelques-unes, pour moi, pour la première fois en même temps que vous, à CFU 89 FM. Et ça, ben, c'est la Radio Campus de Trois-Rivières. Unechance.com pour les liens. Hein. Tu sais, www.unechance.com. Une chance qu'on a unechance.com. Je fais toujours à ma manière, je m'accoule des douces. Je vois pas le but de me bâtir un orage, je suis le pouce. Je suis pas attaché à un coin de temps, mes racines sont là, je fais mes affaires. Sans avoir personne aux trousses, on veut que je sois comme tout le monde, mais je suis toujours sa go. J'ai une job avec un patron qui me pousse dans le dos. C'est pas ma vision, j'aime mieux la bière que le bordeaux. L'argent c'est pas ma prison, je laisse à ceux qui travaillent trop. J'ai pas de quotidien, mes journées sont différentes. Souvent endormi le matin, sous ma main j'ai une étampe. Je travaille pas de mes deux mains, mais ce que j'ai entre mes deux temps. Me suis perdu dans le droit chemin, donc je fais ce qui me tombe. Jamais en retard, pas de meeting à des heures fixes. Je me couche tard, je me lève pas dans du trafic. Je roule à sens contraire du bon bord, je suis pas du grand public. J'ai un bon char, mais j'aime bien mieux mon bon vieux basic. Du monde, mais je fais pas toujours ce qu'on me dit. Le mot monotone, ça rentre jamais dans ma vie. Je me la joue bombe, au lieu d'y aller contre mes philosophies. J'aime mieux que les profits tombent, puis que je joue avec mes chenilles. Toujours là pour mes proches, y'a rien de plus important. Des fois la vie est moche, pas de raison pour perdre mon temps. Je suis mieux quand tout est croche, que de vivre dans trop de rangements. Le bordel, c'est derrière ma porte, me sens bien mieux là-dedans. Je suis mon cœur avant ma tête, même que je me sens bien. C'est pas demain que je tracé mon parcours, j'y vais par instinct. Je vis chaque jour sans penser à son lendemain. Je fais pas les grands discours, moi j'suis un gars de terrain. La vie s'entoure, donc pas le choix de foncer. Je vais avec ceux qui m'entourent, on fait de la musique pour triper. J'suis pas debout pendant le jour, c'est la nuit que j'suis inspiré. C'est là que j'écris mes textes, puis j'commence à pratiquer. J'fais un peu ce que j'veux, j'suis ma propre éthique. Mon parcours pour être heureux, c'est de faire de la musique. J'fais les sacrifices qu'il faut pour garder le rythme. Ma vie, j'la jam, j'aime mon rap, j'suis quelqu'un d'authentique. J'veux un peu ce que j'veux, j'suis ma propre éthique. Mon parcours pour être heureux, c'est de faire de la musique. J'fais les sacrifices qu'il faut pour garder le rythme. Ma vie, j'la jam, comme toutes les tracks, on n'est jamais sur le disque. L'album pour nous, c'est pas une mode, c'est notre destin. J'ai eu des rêves avant d'être un homme, de tout se peint. Je continue à faire de la musique pour le fun, c'est ça que je retiens à force de pratiquer. Mais c'est ce qui se prend forme. Regarde droit devant, jamming session s'en vient. Le poste d'écoute. Dehors, je suis déçu du portrait. Je vois que la nature paie le prix de nos excès. On tasse tout ce qui est pur à grands coups de balai. Faudrait réfléchir avant qu'il n'y ait plus rien de vrai. Sans avertissement, mon environnement change. Tout ce qui m'entoure devient de plus en plus étrange. On transforme le décor trop vite et ça mélange. On remplace ce qui est déjà parfait et ça me dérange. De ce qu'on pense, c'est pas la chose la plus importante. On n'a pas suivi la planète, rasé ce qui nous tente. On est pourtant un peuple différent et fort ensemble. Pourquoi qu'on se lèverait pas pour donner l'exemple? Ça m'avait plus, mon cœur s'emballe. Autour de moi tout change, sans que ça me démoralise. La nature c'est tellement rare que j'oublie. Milieu qui m'entoure, c'est celui qu'on a construit. On dirait que ça m'avait plus, mon cœur s'emballe. Autour de moi tout change, sans que ça me démoralise. Il serait peut-être temps que je le réalise. Il serait peut-être temps qu'on le réalise. On dirait que ça m'avait plus, mon cœur s'emballe. Autour de moi tout change, sans que ça me démoralise. La nature c'est tellement rare que j'oublie. Milieu qui m'entoure, c'est celui qu'on a construit. On dirait que ça m'avait plus, mon cœur s'emballise. Autour de moi tout change, sans que ça me démoralise. Il serait peut-être temps que je le réalise. Il serait peut-être temps qu'on le réalise. Le poste d'écoute. Pour rencontrer la planète, sentir moins petit, je me présente, moi c'est Pellep. Je vis pour la musique, c'est ma plus grande passion. Depuis que je suis tout jeune, ça fait partie de mes horizons. Je vis pour le moment, le maintenant, tout de suite. Profiter du bon temps qui passe tellement vite. Je vis mes semaines, mais surtout mes week-ends. Me reposer pour mieux continuer ce que j'aime. Je vis pour le love, pour le bon côté des choses. Pour avoir du fun, pour que petit rien soit grandiose. Je vis pour le love, pour les bons gestes qu'on pose. Pour que tout soit hot, quand ça va vivre pour les bonnes causes. Je vis pour le love, pour le bon côté des choses. Pour avoir du fun, pour que petit rien soit grandiose. Je vis pour le love, pour les bons gestes qu'on pose. Pour que tout soit hot, quand ça va vivre pour les bonnes causes. Je vis pour les petits détails qui changent mon quotidien. Qui font que chaque jour est différent du lendemain. Je vis pour voyager, pour faire toutes mes valises. Ou partir à l'improviste avec un t-shirt pis un jean. Je vis comme je le sens, libre comme le vent avec mon monde. Pis tous ceux qui sont dedans. Je vis pour Montréal et tous ses festivals. Pour sa culture et ses gens phénoménales. Je vis pour le love, pour le bon côté des choses. Pour avoir du fun, pour qu'un petit rien soit grandiose. Je vis pour le love, pour les bons gestes qu'on pose. Pour que tout soit hot, quand ça va vivre pour des bonnes causes. Je vis pour le love, pour le bon côté des choses. Pour avoir du fun, pour qu'un petit rien soit grandiose. Je vis pour le love, pour les bons gestes qu'on pose pour que tout soit quand ça va vivre pour les bonnes causes. Je vis pour me coucher sous ciel rempli de stars. Écouter mon bro jammer sur sa guitare. Je vis pour philosopher pendant toute la nuit. Ou bien dormir pour savoir où j'en suis. Je vis pour parler mais encore plus écouter. Trouver tout ce monde qui ont quelque chose à me conter. Je vis pour me dépasser, pour relever mes manches. Pour atteindre mes défis et garder confiance. Je vis pour le soleil qui rayonne pour tout le monde. Qui nous inonde de couleurs à chaque seconde. Je vis pour le printemps, pour partir en auto. Ouvrir mes fenêtres et me dire que le monde est beau. Je vis pour toutes les bonnes choses qui me rendent heureux. Profiter de la vie, me considérer chanceux. Je vis pour celles qui ont conquis mon cœur d'homme. Pour le max de love que tu me donnes. Pellep et Mon cœur sur Banise, ou même pas pour le love. Avant ça, c'était Mon cœur sur Banise. Avant ça, c'était Jamin et l'intro au début. Pourquoi est-ce que j'ai dit le mauvais nom de pièce? Parce que je suis pop, parce que j'écoutais pop, parce que j'aime pas ça. Pellep, c'est du rap. C'est pas mon genre, mais tu sais, il faut que je le dise une fois de temps en temps pour pas avoir l'air, c'est juste de détester la musique qu'il fait. Non, c'est juste pas mon genre de musique. Pellep, allez voir myspace.com/PELLEP ou encore pellep.qc.ca. L'album est en vente pour seulement 10$ chez Renaud Bray en ce moment même. Voilà donc pour Pellep, l'album s'appelle Pellep présente Jamin Session. On passe du côté anglophone pour aller entendre deux formations de suite. Là, il va y avoir The Asterisk Eye, l'album de Danny Handez, qui commence tout ça avec Hey Son dans le poste d'écoute au 89.1 FM. C'est fou ça, hein? Le rap. Hey Son, listen to me now, you got to. Hey Son. Listen to me now, you got to. You got to. You got to. Hey son, look what you done now, you got to. Hey son, look what you done now, you got to. You got to, you got to. You got to. Can you hear me now? Hear me now. As you can you hear me now? Hear me now. You got a need for wisdom. You got a need for soul. Danny Endes et son album The Asterisk Sky. C'est vraiment excellent. Un des albums que j'ai aimé le plus depuis le début de l'émission cette semaine. Ça, c'était la pièce Hearts Again. Avant ça, c'était Fast As You Can. Et on a débuté avec la pièce Hey Son. Danny Endes, folk rock americana, indie, qui vient d'Ontario. Son CD est sur CD Baby et sur iTunes, si ça vous intéresse. Vous pouvez aussi passer par le myspace.com/DannyHandes, H-A-N-D-E-S. Et c'est le seul membre du groupe, donc voix et instrument pour cet artiste. Très, très bon, ça, The Asterisk Sky, à recommander. On se dépêche parce que l'émission est presque terminée. On va aller entendre, on reçoit un album ou un maxi de cette formation-là, The Great Outdoors, une fois par saison depuis quelque temps. On a eu Spring, Summer, Fall et là ça c'est Winter. Donc The Great Outdoors qui performe ce CD Winter qui commence par la pièce de This Winter's Touch dans le poste d'écoute de C'est Fou au 89.fr. This cold Arctic air pays no heat newscast. Light of the farms, the withering economy. When I lose my job, we'll still show up and graciously paint little red rosy circles on my cheeks. Bang my head. Doors off the cupboards, threw them outside to land in the snow. And I got angry, just like a four-year-old, though I am much older, supposed. Snow blows and the trees creak beneath the weight of the new coats. And the ice blooms in the late night. It's a sound that's unreal. When day comes to the lucky ones, you look outside in the morning sun. See a white world wiped clear of our trains. Little red rosy circles on my cheeks. The Great Outdoors et This Winter's Touch dans le poste d'écoute. Très, très bon, ça, The Great Outdoors. L'album Fall, j'avais trouvé, je sais pas, super génial quand j'avais entendu. Celui-là, Winter, à date, je l'aime bien. On va entendre d'autres pièces. On va se quitter pour le vendredi, au moins, avec The Garbage Man Song. Les auditeurs du mercredi et du samedi qui écoutent les rediffusions ont toujours 20 minutes de contenu additionnel. Donc, vous allez entendre également la pièce No Bells et Edison's Genius, au moins. Et ça, ça vient de l'album ou Maxi Winter. De la formation The Great Outdoors, qui est une formation d'indie folk rock au myspace.com/TheGreatOutdoorsDDG. Un groupe de East Van en Colombie-Britannique. Randy Forrester, Stephen Wedgelin, Steve Wells, Craig McCall et Adam Nation. Voilà pour The Great Outdoors. On n'a pas le temps pour United Steelworkers of Montreal, mais j'ai très hâte d'entendre leur nouvel album, donc je vais essayer de faire jouer la semaine prochaine. Il fallait que je retienne ça, hein? Note à moi-même. Nous, on se retrouve donc vendredi prochain à 10h pour l'autre édition du Poste d'écoute. Et les rediffusions sont le samedi à midi et le mercredi à 13h. Je vous retrouve aussi à l'émission CNX, l'émission la plus geek de la radio, les jeudis matin, en rappel, les lundis matin. Et cette semaine, au Palmarès C'est fou, c'est Kiwan qui me remplace. Donc, soyez à l'écoute vendredi, ce soir, si vous êtes en direct, à partir de 17h. Et si vous écoutez le mercredi en rediffusion, c'est ce qui s'en vient dans quelques minutes. Kiwan va être là pour vous accompagner toute la soirée, ben, en fait, jusqu'à 19h. Hein? Le stacé de Kiwan, je veux dire, à un moment donné, on se calme. Kiwan, s'il n'est pas meilleur que moi. Bonne semaine, hein? Vous avez été plantés. Salut. J'ai réalisé que quand je dis « vous avez été planté », ça va toujours mieux quand je dis « je m'appelle Mathieu Plante » avant. Le jeu de mots marche mieux. Petite pensée de même. Hein? On se quitte sur une pensée. Pensez-y voir. Winter plays its first hand with a confidence that can't be beat. Windshield needs a credit card and the van needs time to heat. These cold days have a quality that lacks them all of the summer's dreams. I feel the air within my lungs, can hear the ground beneath my feet. Steel toes get so cold, the coffee breaks and run a bit long. And there's times when I wonder where the hell did I go wrong. When winter's weight is crushing me, remind myself that time moves on. Yeah, I'm the garbage man, keep picking up. Yeah, the garbage man keeps singing their songs. I make the switch to red wine and whiskey. I got a letter from a girl that misses me too. They were all good times, they were all with you. Left us in the winter for a place that never ever sees snow. And I think of her in January when the winds blow so cold. She's always here beside me so I never have to feel alone. When I'm baking beans and biscuits, thinking about those times back home. When I'm baking beans and biscuits, thinking about those times back home. When I'm baking beans and biscuits, thinking about those times back home. night.